l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la huitième émission, nous avons vu comment la socio-économie canadienne, cet ensemble de régions excentriques dans le monde atlantique, comment cette socio-économie se modernise au tournant du 19e siècle et comment elle est emportée dans un grand mouvement économique à la hausse qui entraîne l'économie mondiale de la fin du 18e siècle jusqu'au milieu de la seconde décennie du 19e siècle. Aujourd'hui, nous chercherons à montrer comment la socio-économie canadienne ralentit avec les années 1820, au moment où le taux de croissance du commerce mondial s'amortit, où le rythme de croissance de l'industrialisation en Europe décroît, où l'économie américaine entre dans une période de consolidation et où le système mercantiliste commence sérieusement à être remis en question. Dans l'après des guerres napoléoniennes et de la guerre de 1812, la socio-économie canadienne va enregistrer les contre-coups de toute une série d'ajustements, tant dans le marché atlantique que dans le système colonial britannique et dans les réseaux continentaux de commerce en Amérique du Nord. C'est la base économique du Canada qui est plus ou moins directement et plus ou moins fondamentalement remise en question par ces transformations. Et le Canada, morcelé en plusieurs colonies, vivant plus ou moins en coexistence hostile par moment, ce Canada n'est pas bien préparé à réagir vite et efficacement à ces défis. Dès les débuts des années 1820, à la suite de la récession dans l'après-guerre en Grande-Bretagne, les prix des céréales tombent tellement bas en Angleterre que les importations en provenance du Canada sont exclues. Et puis le traitement préférentiel des bois canadiens est réduit de façon dramatique. Les colonies nord-américaines sont frappées durement dans deux de leurs biens clés, dans leurs deux pôles de croissance. C'est d'ailleurs à ce moment-là, après 1815, qu'on remet en question en Grande-Bretagne toute la politique commerciale coloniale. Comité après comité à la Chambre des communes de Londres débattent, année après année, de questions qui ne peuvent qu'avoir des effets de retombées fondamentaux sur le bien-être des coloniaux. Mais il n'y a pas de réaction commune de la part des colonies, parce que les colonies ont souvent des intérêts divergents. Ainsi, quand William Huskisson présente de 1822 à 1825 des projets de loi pour assouplir et relâcher la vieille politique mercantiliste, ces dispositions vont profiter aux provinces maritimes, mais vont avoir des effets de retombées assez défavorables pour les Canadiens, puisque la passation de ces lois veut dire aussi que des droits de douane vont devoir être prélevés aux frontières canado-américaines. Voilà qui a pour effet de détourner le grand commerce de l'Ouest, de le détourner de son trafic vers Montréal, de le détourner vers la route qui conduit à New York. Même si ces droits de douane sur les produits américains vont être éliminés en 1831, il reste que l'incertitude, l'insécurité est grande, et qu'on sent que c'est le commencement de la fin pour la politique mercantiliste. J'ai demandé à Paul-André Linteau, historien à l'Université du Québec à Montréal, comment s'amorcent les années 1820. Ce qui nous frappe d'abord, c'est la disparition, à toute fin pratique, là, de la vallée du Saint-Laurent, de ce qui avait longtemps été sa base économique, la fourrure. En 1821 survient la fusion entre la Compagnie du Nord-Ouest, qui était basée à Montréal, et la Compagnie de la Baie-du-Tson. À partir de ce moment-là, toutes les opérations liées à l'exploitation du commerce des fourrures vont être prises en main par la Compagnie de la Baie-du-Tson et faites directement depuis la Baie-du-Tson en bonne partie, même s'il reste quelques opérations à Montréal. Ce qui fait que la fourrure cesse d'être un élément économique important de l'économie de la vallée du Saint-Laurent, c'est-à-dire du Québec et principalement de Montréal, qui avait, depuis le régime français, été le grand centre de la traite des fourrures. Quel va être l'impact, M. Lintot, de cette fin de l'ère des fourrures? Ce qui est étrange, d'une certaine façon, c'est que on ne le sent pas, cet impact-là. On réalise, quand on regarde la documentation, que ça n'a pas provoqué une crise majeure, la disparition des fourrures, et que Montréal, au début des années 1820, avait déjà développé beaucoup d'autres activités économiques qui avaient véritablement pris la place de la fourrure comme activité principale. De sorte que la transition s'est faite en douceur. D'autant plus qu'on est dans une période, après 1815, où vient une forte immigration des îles britanniques, la population augmente, il y a une demande plus grande pour des produits de toute nature. Donc Montréal profite d'une phase d'expansion qui lui permet de compenser pour la perte du commerce des fourrures. Quel va être l'espace polarisé par Montréal après les 1820? Cet espace-là, d'une certaine façon, se restreint. Parce que jusque dans les années 1820, Montréal avait toujours eu la prétention, et c'était appuyé, si on veut, par les courants du commerce des fourrures, avait toujours eu la prétention de polariser tout l'ouest de l'Amérique du Nord et tout le Midwest, toute la région autour des Grands Lacs, aussi bien du côté américain que du côté canadien. Or, en 1825, les New-Yorkais ouvrent le célèbre canal Érié qui permet de détourner une partie du commerce des Grands Lacs directement vers New York. Cette ouverture du canal Érié, si on veut, assure de façon presque définitive la prépondérance de New York sur Montréal pour la domination de la zone autour des Grands Lacs. Et Montréal est, si on veut, un centre de seconde importance par rapport à New York. Évidemment, les hommes d'affaires de Montréal vont essayer de réagir, de construire eux-mêmes des canaux le long du Saint-Laurent, mais l'avance de New York est considérable pour tout un ensemble de facteurs qui font que Montréal ne pourra pas compétitionner de façon efficace avec New York. De sorte que l'espace montréalais se restreint, si on veut, un peu plus, surtout à la plaine de Montréal, du côté québécois, et à la zone colonisée de l'Ontario, c'est-à-dire le côté nord du lac Ontario et un peu jusqu'à la péninsule du Niagara, donc cette zone canadienne des Grands Lacs, qui devient l'espace principal polarisé par Montréal. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet espace-là, maintenant, il devient beaucoup plus peuplé, beaucoup plus densément peuplé, et que Montréal trouve là un marché qu'elle n'avait pas, par exemple, à l'époque de la Nouvelle-France. À l'époque de la Nouvelle-France, l'interland rural autour de Montréal était très faible, ce qui avait fait dire à Louise Duchesne que la ville n'avait pas de base rurale, ne pouvait pas s'appuyer sur un interland rural pour assurer une croissance, ce qui avait limité considérablement la croissance de Montréal au 18e siècle. Alors au début du 19e, ces circonstances-là sont changées. Il est venu des milliers d'immigrants de Grande-Bretagne, des îles britanniques. Par exemple, dans la seule année 1831, il arrive à peu près 35 000 immigrants de Grande-Bretagne. Par rapport à la dimension de Montréal à l'époque, c'est important. C'est plus que la population de Montréal, c'est plus que la population de Québec, qui ont chacune entre 25 et 30 000 habitants à ce moment-là. Ça veut dire que les immigrants qui arrivent, qui débarquent à Québec, certaines années sont plus nombreux que la population totale de la ville. Alors, à ce rythme-là, très rapidement, l'espace est en Ontario et au Québec est de plus en plus peuplé. Au Québec, il y a tout le facteur de la natalité très forte des Canadiens français qui contribue aussi à l'augmentation de la population. De sorte que dans les années 1820, on commence à avoir un premier marché intérieur qui est intéressant pour des importateurs. Ils vont trouver un débouché et rapidement, les grands marchands montréalais vont monopoliser, vont d'une certaine façon diriger tout un réseau de distribution des produits avec des marchands associés en Ontario, dans chacune des villes de l'Ontario qu'on appelle alors le Haut-Canada, et il y a des relations, si on veut, hiérarchiques depuis les grands exportateurs écossais ou anglais, en passant par les grands marchands montréalais, ensuite par les marchands des villes ontariennes, les petits marchands de campagne. Il y a tout un réseau hiérarchique de crédits et d'échanges qui s'installe et qui devient très bien structuré dans les années 1820. Malgré ces flottements et l'incertitude qui accompagne ces rajustements de l'économie canadienne, coincée entre une protection britannique déclinante et une concurrence américaine plus accentuée, Même si Montréal perd du terrain, relativement parlant, par rapport au grand jour du commerce des fourrures et par rapport à sa rivale New York, eh bien Montréal s'affirme déjà comme capable de se donner des rôles nouveaux, différents. J'ai demandé à Paul-André Linteau pourquoi Montréal émerge comme le cœur de cet espace économique du Canada central, espace économique plus restreint mais important, comme le centre névralgique de ce réseau économico-financier que sont les Canadiens. Pourquoi Montréal peu à peu émerge au-dessus de Québec? Je pense que ça tient beaucoup à sa situation géographique. Montréal est un peu un point de transbordement obligatoire des marchandises qui viennent de l'Europe à cause des problèmes de navigation sur le Saint-Laurent. Il faut absolument décharger les marchandises à Montréal et les mettre sur d'autres bateaux à fond plat qui peuvent aller sur les canaux et sur le Saint-Laurent vers l'Ontario. Alors, il y a là une contrainte géographique dont les hommes d'affaires de Montréal ont profité et qui a permis de faire de Montréal la plaque tournante du réseau de communication. Et alors, il y a le capital accumulé et le rôle financier déjà ancien et qui devient plus visible avec la création de la Banque de Montréal en 1817. La Banque de Montréal qui fait à la fois des opérations de change et, dans le fond, les opérations bancaires nécessaires au fonctionnement du commerce. Montréal est donc au cœur, au centre de ce réseau nouveau qui pénètre tout l'Ontario. Montréal a des atouts historiques, des atouts financiers. Est-ce que Montréal a la main-d'œuvre qualifiée qu'il faut pour pouvoir véritablement continuer à polariser cet espace économique pendant longtemps? Dans un premier temps, Montréal ne fait que relayer les produits qui viennent d'Europe et de Grande-Bretagne principalement. Mais de plus en plus, et on voit ça se développer dans les années 20, avec l'immigration est arrivée une main-d'œuvre d'artisans qui ont eu une formation antérieure en Angleterre ou en Écosse ou en Irlande et qui sont en mesure de pratiquer leur métier ici. Et on voit dans certains secteurs, comme la chaussure par exemple, l'artisanat montréalais remplacer les importations de chaussures de la Grande-Bretagne. Et dans plusieurs secteurs, on voit se multiplier ces artisans qui maintenant ont un marché suffisant ici pour pouvoir produire. Et Montréal devient le premier grand centre de production de l'Amérique du Nord britannique, avant même qu'on puisse parler de l'apparition d'une industrie comme telle. C'est une fabrication de type artisanal. Et il y a beaucoup de petits ateliers, de boutiques d'artisans qui se développent dans la ville. Il y a déjà quelques manufactures dans des secteurs particuliers, mais ça ne correspond quand même pas à l'idée qu'on peut se faire actuellement de la manufacture. John Molson, par exemple, a sa brasserie à Montréal depuis 1789, je crois, ou enfin la fin du 18e siècle. Et il y a un certain nombre d'entreprises comme celle-là, mais le gros de la fabrication qui se fait à Montréal est plus de nature artisanale. Et on voit se développer, par exemple, dans la ville, toute une fabrication liée au domaine du transport. Parce que Montréal est à la tête du réseau de navigation, on voit se développer des chantiers maritimes et des fabriques de machinerie pour les nouveaux bateaux à vapeur qu'on commence de plus en plus à utiliser sur le Saint-Laurent. John Molson avait été le premier à lancer un bateau à vapeur pour relier Montréal à Québec au début du 19e siècle. Et de plus en plus, donc, on fabrique à Montréal la machinerie nécessaire pour la navigation. Alors, on voit que le commerce et le réseau commercial montréalais donnent graduellement naissance à des activités de fabrication. Thank you. L'une des grandes forces qui vont transformer la physionomie de la socio-économie canadienne à partir des années 1820, ce sont, comme le mentionnait M. Linteau, les grands mouvements migratoires qui vont apporter au Canada des populations du Royaume-Uni. Au début des 1820, le Bas-Canada a plus de 425 000 habitants. Le Haut-Canada, pour sa part, en a moins de 150 000. Entre 1815 et 1824, l'immigration en provenance du Royaume-Uni va s'établir dans le Bas-Canada, dans les cantons de l'Est. En 1825, on dit que la population des cantons était déjà à près de 40 000 habitants. Cette période est aussi celle où l'on enregistre certains signes de difficulté dans l'agriculture bas-canadienne, difficultés conjuguées à des chutes du deux tiers dans le prix du blé à l'exportation entre 1814 et 1821, chute de prix qui n'incite pas à produire. D'autant plus que c'est justement aussi le moment où la production agricole haut-canadienne, plus au sud, connaît un essor foudroyant, essor qui va vite attirer les immigrants. Entre 1825 et 1830, ce n'est plus que le quart de l'immigration britannique qui s'installe dans le Bas-Canada, au lieu des deux tiers enregistrés dans la décennie antérieure. Et la proportion va continuer de baisser dans les années 1830. Il reste qu'entre 1825 et 1830, c'est encore 16 000 immigrants qui s'installent dans le terroir seigneurial du Bas-Canada. La rareté de terre devient un problème. En 1830, le Haut-Canada a plus de 200 000 habitants déjà. En 1840, plus de 400 000. En 1850, la population du Haut-Canada frise le million et a maintenant dépassé celle du Bas-Canada. Cette population nouvelle qui envahit le Haut-Canada littéralement à partir des années 1820, elle va enfin, comme nous l'explique Foster Grzyk, historien à l'Université Carleton, pouvoir jeter les bases d'un marché local. Ce marché-là, vraiment, commence avec les années 20. Dans les années 20, il y a un grand chômage en Angleterre, et puis ces gens-là sont arrivés au Canada. Et ça, c'est le vrai commencement d'un marché intérieur, proprement dit. Avant ça, oui, il y a un marché, mais le marché, c'est pas assez grand. Les exportations de blé sont plus importantes pour l'économie que le marché intérieur. On a donc, M. Grzyk, à partir de 1820, un arrivage de populations nouvelles en provenance d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse. Est-ce que cette population va se répandre également dans les trois régions du Haut-Canada? Non, ce n'est pas égal. La région qui reçut la plupart de gens, c'est York encore, Hamilton, et puis après ça, London, et puis Windsor. Mais aussi, ça c'est vraiment le commencement pour la vallée de l'Outaouais, c'est-à-dire à Perth, ici, Bytown. Ça aussi, ça c'est aidé par le commencement de la canal Rideau, mais aussi vers Sainte-Catherine et Welland. Ça c'est le commencement et ça a attiré les gens parce que c'est le commencement de la Welland Canal aussi. Les trois morceaux de l'économie du Haut-Canada, ce morceau de l'Outaouais, le morceau autour de Toronto et le morceau autour de London et dans l'ouest de l'Ontario, qu'est-ce que va être leur base économique? On sait que dans le cas de l'Outaouais, c'est le bois. Qu'est-ce qui va être la base économique du Haut-Canada de l'ouest? Dans l'ouest, c'est le blé. Parce qu'à Toronto, c'est le blé, d'accord, mais c'est le blé qui vient d'extérieur. C'est-à-dire que les régions qui sont autour de Toronto et York, ça, c'est vraiment la capitale financière. Il y a une concurrence avec Kingston. Avant 1820, le pouvoir, si vous voulez, de finance, c'est à Kingston. Et puis, le pendule a déplacé ce pouvoir vers Toronto dans les années 20. Et surtout avec la Banque d'Upper Canada qui s'est fondée en 1823 à Toronto. Ça commence pour deux raisons. L'une, c'est qu'il y a un problème avec Montréal. Puis, les gens de Montréal vraiment contrôlent l'exportation de Haut-Canada. Bon. Et aussi, le deuxième, c'est l'immigration et les immigrants qui sont arrivés. Et cette immigration, c'est assez important. Avec la banque, et ça, c'est un vrai commencement, parce que ça, c'est un moyen de contrôler l'économie. On sait, M. Grzyk, que la Banque du Haut-Canada, c'est une institution bancaire très différente de celle des banques du Bas-Canada. Une banque qui va être plus agressive, une banque qui va avoir un rapport des prêts sur ses actifs de 6 à 1, alors que c'est plutôt de 2 à 1 dans les banques du Bas-Canada. Comment expliquer cette agressivité, cette volonté d'aller très vite de la Banque du Haut-Canada? Moi, il me semble que c'est peut-être trop clair, mais c'est assez facile d'expliquer. Il y avait déjà à Montréal deux banques, et puis en Haut-Canada, il n'y en a plus. Il n'y a qu'une qui a commencé, et puis elle a décidé qu'elle doit faire la concurrence avec Montréal et les gens de Montréal. C'est une question d'économie, c'est une question d'argent. Et puis ils sont prêts à commencer et se battre, et bien se battre, pour garantir, si vous voulez, le contrôle de Haut-Canada. Et ça, c'est la concurrence qui arrive. Et ça, c'est pourquoi les gens sont incapables de trouver un moyen de travailler ensemble avec le Bas-Canada, les gens de Montréal. Et pourtant, M. Grizik, on a l'impression que les marchands de York, les marchands de ce qu'on appelle maintenant Toronto, sont en dépendance vis-à-vis des marchands de Montréal. Que jusqu'à très tard, dans les années 1830, on peut dire que Toronto, York, est à la périphérie de Montréal, qui elle-même est à la périphérie de l'Atlantique. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que cette chaîne de dépendance depuis Londres vers Montréal et depuis Montréal vers York ne crée pas une sorte d'impasse pour les gens du Haut-Canada? Ah oui, oui, c'est une impasse, et surtout quand l'économie est basée sur le produit agricole, et puis le commerce, et surtout la transportation par bateau, c'est surtout l'eau. C'est pourquoi elle a demandé l'argent pour bâtir le canal de Welland, et aussi même avec le rideau. Parce que c'est vraiment un moyen d'améliorer l'économie. 1825, M. Grizik, on ouvre le canal Érié. C'est un défi important pour le Haut-Canada. Quelle sorte de défi? C'est un défi pour le Haut-Canada, mais je pense que c'est un défi pour Montréal et la vallée de la Saint-Laurent. Parce que si pour le Haut-Canada, on peut facilement utiliser le canal Érié. Et bon, les gens de Haut-Canada, ils ont décidé qu'ils doivent faire concurrence avec leur propre canal. Et il a commencé le canal Welland et puis le canal Rideau aussi, parce que le canal Rideau, ce n'est pas seulement un canal militaire, c'est un canal pour commerce aussi. Si pendant un temps de guerre, au lieu d'utiliser le Grand Lac, on peut envoyer par le Rideau Canal et puis on peut utiliser la rivière Outaouais aussi. Et puis, ça, c'est vraiment une autre chose qui est vraiment importante. Et surtout, les historiens parlent de le Rideau Canal comme une chose militaire, seulement. Et ce n'est pas le cas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'on peut envoyer tout le produit de Haut-Canada par ce moyen. Ce canal Rideau, qui est à la fois économique et militaire dans sa vocation, on va l'utiliser pour véhiculer quel produit exactement? La farine. Le blé, le potasse aussi, le bois aussi, parce qu'il a déjà commencé d'envoyer cette chose aux États-Unis. Donc, c'est un commerce qui non seulement remonte, si on peut dire, depuis les Grands Lacs et le Haut-Canada vers le Bas-Canada, mais aussi un commerce qui fait le lien entre le Canada et les États-Unis. Ah oui, exactement. Oui. Mais quelle est l'exportation la plus importante qu'on envoie vers les États-Unis à ce moment-là? Aux États-Unis, c'est le bois. Ça commence avec le bois, puis le blé. Ces rapports commerciaux nouveaux avec le grand marché américain ne vont pas seulement être vécus dans le Haut-Canada. Les maritimes ont profité de la guerre de 1812 pour accumuler du capital. Elles vont mettre ce capital à profit pendant cette période de flottement. Stanley Breaux-Rearson est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Dans les maritimes, c'est un cas évidemment particulier. Ils sont britanniques à partir de 1713, ça donne un demi-siècle d'avance pour ce qui est d'implantation d'Écossais et d'Anglais, surtout. Et ils auront une assemblée législative en 1758, c'est-à-dire 40 ans avant le Haut et le Bas-Canada. Et le développement d'un sentiment même de patriotisme local. Vous aurez, lorsque Joseph Howe et d'autres journalistes se mettront à la tête de mouvements de réforme qui seront en parallèle avec les patriotes du Bas-Canada et les reformers du Haut-Canada. Ils vont parler de leur pays. Leur pays, c'est la Nouvelle-Écosse, les Maritimes. Et là encore, vous aurez un mélange, d'une part, d'éléments très conservateurs, qui étaient une bonne partie des loyalistes des États-Unis, mais d'autre part, le genre de radicalisme qui a fait que, dans les chantiers navals à Halifax, déjà en 1816, il y a eu des grèves, il y a eu des luttes, et il y a une législation de l'Assemblée de la Nouvelle-Écosse pour essayer de mater la résistance ouvrière, 1816. Et par la suite, ça se développera, y compris le genre de phénomène où on commencera dans le sens de l'industrialisation, et déjà à l'époque de Champlain, on avait trouvé du charbon. Alors, on essaie de lancer, et c'est Abraham Jessner, savant et chercheur et inventeur, qui fait un rapport là-dessus, un début de mise en place d'une industrie sidérurgique. Enrichissement de gens, enfin de gros marchands et armateurs. Samuel Cunard, il est de Halifax, lui, et il s'enrichit pendant la guerre de 1812, exactement comme les Molson de Montréal. Industrie de guerre, profiteur de guerre. Même phénomène. Alors, à Toronto, ailleurs, Toronto, et puis dans les petits centres du Haut-Canada, il y aura un développement de la division du travail et des débuts de petite industrie, petite entreprise, etc., qui deviendra entreprise moyenne et par la suite quelques grandes entreprises, sur une échelle beaucoup plus large. Tandis qu'au Québec, c'est Montréal et la ville de Québec, et dans un degré beaucoup moins de Trois-Rivières, mais Montréal et Québec, qui sont les centres industriels, et les autres sont loin en arrière. Tandis qu'en Ontario, c'était beaucoup plus diffusé. Développement industriel, donc développement, expression du fait qu'il y avait une agriculture beaucoup plus prospère, basée sur un blé qui n'existait presque plus dans le Bas-Canada, et une agriculture qui est enfin florissante. Et avec ça, le genre de division du travail qui arrive parmi les artisans qui sont forgerons ou meuniers. Cette période de ralentissement économique des années 1820, on va la vivre dans l'Ouest un peu différemment. C'est, à partir de 1821, le monopole omniprésent de la Compagnie de la Baie-d'Hudson. À la Rivière-Rouge, la colonie de Selkirk, établie en 1812, vivote à peine. Après une décennie, l'agriculture est encore trop fragile pour bannir entièrement l'économie nomade. La chasse aux bisons et la pêche demeurent nécessaires pour la survie de la colonie. Et puis il y aura les sauterelles en 1818-20, les inondations de 1826. Ce n'est pas avant la fin de la décennie qu'on aura établi une agriculture à la Rivière-Rouge, une agriculture à peine capable de subvenir aux besoins locaux, et encore seulement si l'on peut compter qu'une portion de la population, de cette population de 2 ou 3 000 habitants, va émigrer ou qu'elle va aller chercher sa nourriture ailleurs. Antoine Lucier est professeur à l'Université de Brandon. La colonie que Selkirk avait établie, donc il y avait essayé l'agriculture dans les vingtaines de trentaines d'années après 1821, on a du matériau qui démontre maintenant que la colonie n'aurait pas été capable de survivre. Il y avait des inondations, il y avait des sauterelles, il y avait le froid qui arrivait trop de bonne heure, et puis vraiment, si ça n'aurait pas été des métis qui ont été à chasse aux bisons, et puis des ceux qui laissaient la rivière Rouge pour vivre en prairie durant l'hiver, que la colonie n'aurait pas survécu. Ce groupe de métis plus libre qui va à la chasse aux bisons, est-ce que c'est un groupe qui va continuer à faire de la chasse aux bisons longtemps au 19e siècle? Jusqu'à 1881, en Saskatchewan, lorsque le bison disparaît, eux aussi, leur mode de vie. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ont parti du Manitoba après 1870. Lorsque le bison disparaît, eux aussi, leur mode de vie. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ont parti du Manitoba après 1870, pour continuer la vieille mode. On voit comme Gabriel Dumont, puis eux, qui sont rendus en Saskatchewan, puis à Batoche, et puis en Montana. C'est des gens qui vivent vraiment le style de vie des Indiens dans ce temps. Et puis, sont presque oubliés. On les appelle le peuple oublié. Après 1821, on a maintenant une seule compagnie, la compagnie de la baie d'Hudson, qui est, en un sens, le grand propriétaire, le grand explorateur, le gouvernement, qui est un peu le plénipotentiaire de toutes les prairies. Ah oui, oui. Après 1821, c'est une monopolie dans laquelle la compagnie a le droit à la justice et aussi, en même temps, a le droit à tous les aspects économiques. Un type n'avait pas le droit d'avoir la terre à lui-même. Il fallait qu'il fasse des démarches avec la compagnie pour avoir une terre dans laquelle il y avait certaines conditions qu'il fallait qu'il démontre pour que la compagnie lui laisse avoir sa terre. Il n'avait pas le droit de type de terre. En même temps, il y avait le conseil d'Assiniboine, d'Assiniboia, dans laquelle les gens étaient appointés. Et puis, le conseil avait le droit de passer des lois pour affecter les gens de la Rivière-Rouge. La majorité était plus ou moins anglophone. Après un bout de temps, ils ont laissé rentrer certains Canadiens français, disons les curés ou le Monseigneur. Et plus tard, il y a eu une phase qu'on appelle la phase métisse, dans laquelle il y a des métisses qui ont été acceptés et appointés. Mais là, on se demande si que ces gens-là n'étaient pas des métisses de moyenne classe, dans laquelle eux-mêmes étaient plus ou moins comme la compagnie de la baie d'Hudson envers leurs siens. La compagnie avait le droit de passer des lois, disons, pour arrêter la traite entre les métis et les Indiens, entre les métis et les Américains, et même ouvrait la malle de ceux qui pensaient. À force de sonder les extrémités de cette socio-économie, de voir les fourmillements économiques dans les prairies où les métis SM, dans la Nouvelle-Calédonie sur la côte du Pacifique, où le dernier commerce des fourrures prend racine, à Terre-Neuve, où la plus vieille colonie anglaise a maintenant plus de 50 000 habitants, à vouloir suivre ce fourmillement, on peut en arriver à perdre de vue les glissements lents mais fondamentaux qui font passer le centre de gravité de l'économie canadienne depuis le golfe du Saint-Laurent vers les Grands Lacs, qui font passer la socio-économie canadienne d'un capitalisme commercial encore triomphant à un capitalisme industriel dont on entend déjà les balbutiements. Alfred Dubuc est économiste historien à l'Université du Québec à Montréal. Pour lui, les formations sociales sont un révélateur de cette évolution lente que la socio-économie canadienne est en train de vivre. C'est bien sûr qu'il y a de très grands marchands dans la colonie. C'est bien sûr que les hommes de grand prestige sont des grands marchands. C'est bien sûr que ces grands marchands favorisent les échanges entre le Canada et la mère patrie. On ne parle pas beaucoup des échanges avec les États-Unis, ils sont déjà très nombreux et très importants déjà dans la deuxième décennie. Il est vrai que ces grands marchands ont des intérêts liés au commerce d'importation et au commerce d'exportation. Bon, c'est une chose. Deuxième chose, il y a là une population qui se développe, une population qui a besoin de se nourrir. Il faut développer certaines productions de produits alimentaires. Il y a là une population qui veut se vêtir. On va voir se développer une production textile. Il y a là une population qui se loge. Il y a l'industrie de la construction. Il y a une certaine métallurgie. Il y a l'industrie de la navigation qui se développe et il y a des grands chantiers de construction navale. Et alors, est-ce que parler de capitalisme commercial veut dire, comme certains auteurs croient le voir, qu'il n'y a pas d'industrie, qu'il n'y a pas de bourgeoisie industrielle au Canada? Je crois que c'est allé trop loin, certainement pour cette époque. Il y a une industrie qui se développe peu à peu. Il y a cet artisanat qui se transforme peu à peu, imperceptiblement, en industrie. Bien sûr, l'industrie, nous allons pouvoir la diagnostiquer vraiment qu'au recensement de 1871 pour la ville de Montréal, disons. Et entre 1825 et 1871, on a là une très longue période de transition tranquille, calme, de l'artisanat vers l'industrie. Il y a toute cette histoire de la technologie qu'on connaît si peu, qu'il faudrait approfondir, parce que lorsque la technologie change, les conditions de travail changent, les conditions de la production changent. les conditions de l'équipement changent, les problèmes de financement changent. Et bon, ça c'est un ordre de problème. L'autre ordre de problème, c'est est-ce qu'il est vrai qu'au Canada, il y aurait plusieurs types de bourgeoisie comme il y a eu dans certains pays? Si on prend à l'époque, au début du 19e siècle, la France ou l'Allemagne par exemple, on voit des bourgeoisies relativement séparées les unes des autres. Une bourgeoisie financière, une bourgeoisie industrielle, une bourgeoisie commerciale, une bourgeoisie foncière. Disons quatre grands secteurs de la bourgeoisie avec des individus qui ne se regardent pas, qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts entre eux et dont les fractions sont tellement partagées les unes par rapport aux autres qu'il y a même des luttes entre elles. Bon. Est-ce qu'on a ça au Canada? Eh bien non. C'est avoir une vision fausse de la société québécoise et canadienne de croire qu'il y a ces fractions de bourgeoisie qui pourraient être aussi farouchement opposées les unes aux autres. Alors, ces grands marchands des fourrures, puis du bois et des produits agricoles, eh bien, ils vont investir dans certaines productions, dans certaines transformations. Et c'est pourquoi vouloir caractériser de façon trop hermétique une bourgeoisie commerciale par opposition à une bourgeoisie industrielle, je pense que c'est faire fausse route. Même si nous ne voulons pas tomber dans le piège des classifications, piège contre lequel le professeur Dubuc nous mettait en garde, il reste qu'il est bien difficile de voir clairement ce glissement dans la bourgeoisie canadienne à mesure que le capitalisme progresse au Canada au 19e siècle sans examiner de plus près des cas précis. Louise Dechêne, de l'Université McGill, a étudié le cas de William Price, qui arrive à Québec en 1810 comme commis pour la firme Scott Idle & Company, une firme qui a le monopole de l'approvisionnement de l'amirauté britannique en bois canadien. Louise Dechêne a étudié les entreprises de William Price. Ce qui fait que Price va devenir le principal, peut-être, marchand de bois, c'est qu'ils ont cette société britannique a d'énormes contrats de l'amirauté britannique. Alors, c'est presque assuré que les cargaisons se vendent bien, puisque c'est la couronne en Angleterre qui achète ces cargaisons. Et progressivement, Price va acheter des scieries le long du fleuve, depuis Québec, Rive-Sud, à la Malbaie de l'autre côté, jusqu'à finalement ce qu'il investisse littéralement toute la région du Saguenay, où il se trouve là tout à l'origine de la colonisation du Saguenay. C'est un personnage légendaire dans le Saguenay. Ce personnage légendaire, Louise Dechêne, on peut se demander comment il a réussi à bâtir une entreprise aussi importante à partir de cette position de petit commis. Au début, il a un salaire. Très rapidement, comme il se révèle très compétent, il a une commission sur chaque cargaison. Et c'est un garçon énergique, mais qui dispose d'un énorme capital. Enfin, c'est 60 à 70 navires que ses associés britanniques lui envoient par année. Tranquillement, il va dégager une certaine partie de ses gains personnels de cette société britannique. C'est cette fortune personnelle qu'il va investir dans les scieries dont je vous ai parlé. Est-ce qu'à mesure et à proportion qu'il va investir dans ce nouveau domaine, on va voir Price se faire entrepreneur industriel? Est-ce qu'il va introduire de la machinerie? Est-ce qu'il va vraiment faire la transition entre l'entrepreneur commercial et l'entrepreneur industriel? Je dirais que non. Évidemment, au début, on expédie en Angleterre du bois équarrie, après on va expédier des madriers. Il y a un processus de manufacture un peu plus poussé, mais c'est très peu. Vous savez, les scieries de l'époque, bon, les cours d'eau, une scie ronde, une deuxième scie ronde, l'investissement en machinerie, je pense que c'est vraiment presque rien. C'est d'aller chercher le bois dans la forêt et l'expédition en Angleterre. En fait, pour moi, Price reste un grand marchand de l'Ancien Régime. Vous avez mis l'accent, Louise Dechêne, sur l'importance du support de grands capitaux et de grands capitalistes anglais pour expliquer un peu le succès de William Price, entrepreneur au Canada. Ce qui m'amène à vous demander une question que vous vous êtes posée vous-même lors de ces travaux. Est-ce qu'en fait, il était pensable pour un entrepreneur canadien sans de tels réseaux de communication et de support européens, de vraiment conquérir le marché européen? Est-ce qu'en fait, si on avait été un Canadien français ou un Canadien à l'époque, sans ce réseau de communication et de ce support de capitaux européens, est-ce qu'on aurait pu espérer jamais conquérir les marchés européens? Je crois que c'est tout à fait impensable. C'est évident que le Canadien pouvait jouer un rôle dans le commerce du bois, mais qu'il avait toujours un second rôle. Le crédit fonctionne dans la famille par connaissance, c'était quelque chose de très très intime encore le commerce à cette époque, à l'époque de Price. Donc c'était tout à fait impensable qu'un Canadien puisse percer enfin de façon spectaculaire. Peut-être un petit peu, il y a quelques marchands de bois canadiens, mais généralement ils jouent un rôle secondaire. On voit mal comment un Canadien et un Français auraient obtenu les contrats de l'amirauté britannique sans les appuis très importants. Enfin, tout se fait par tractation, par connaissance, par connaître tel ministre, tel... Enfin, ce sont des réseaux. William Price a 21 ans en 1810. John Molson, lui, a 21 ans en 1786. Et pourtant, John Molson, qui arrive au Canada presque 30 ans avant Price, en 1782, n'est déjà plus un entrepreneur de l'âge pré-industriel. C'est un entrepreneur qui déjà, dès le début du 19e siècle, fait le pont vers le capitalisme industriel. Alfred Dubuc a étudié les entreprises de John Molson, et pour lui, ce n'est pas un grand marchand. Je répugnerais à utiliser le mot de marchand pour Molson. Molson arrive en colonie, il est très jeune, il voulait aller aux États-Unis, mais lorsqu'il a quitté l'Angleterre, c'est à l'époque de la Révolution des 13 colonies, alors il est venu rejoindre deux de ses amis qui sont à Montréal. Nous sommes en 1782. Et il rejoint ses amis, et vous savez que durant les années de Révolution des 13 colonies, il y a eu une très forte inflation aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et Molson, arrivant ici, dit, et la lettre qu'il écrit en Angleterre est très nette, « Je ne m'occuperai pas du grand commerce des fourrures, je ne suis pas de ces gens-là. » Et chose surprenante, ce qu'il dit, « Le grand commerce a des retours trop lents. » Il est évident que lorsqu'on fait le commerce des fourrures, si vous examinez le moment qui sépare la commande en Angleterre avec celui de l'arrivée de la fourrure au retour en Angleterre, cela peut prendre 2 ans, et parfois 2 ans et demi. Molson dit « Les retours sont trop lents à partir de l'investissement initial. Pour le moment, je fais du commerce. » Il fait du commerce dans les viandes avec ses amis Lloyd et Pell. Pell est un boucher et lui fournit la viande et on voit à ses carnets qu'il fait des achats de 400 à 600 livres de viande par semaine. Manifestement, il spécule sur les viandes. Mais très vite, avec son ami Lloyd, il s'aperçoit qu'il peut être très rémunérateur de faire de la bière ici parce qu'il n'y a pas de fabrication de bière. Les Canadiens, contrairement à l'image qu'on a d'eux aujourd'hui, les Québécois, j'entends, ne sont pas du tout consommateurs de bière. Ils ne consomment pas le bière. Ils consomment le cidre, le vin, mais surtout le cidre. Et ils ne connaissent pas la bière. On ne brasse pas la bière ici. Il y a eu des tentatives en Nouvelle-France, mais elles ont échoué. Et Lloyd, avec Molson, commence la bière. Et au moment où Molson atteindra la majorité, là, 21 ans, il va acheter la part de son ami Lloyd, puis il deviendra lui-même brasseur. Il y a une petite note qu'il écrit dans son carnet le 8 juillet 1786, lorsqu'il revient d'Angleterre, parce que lorsqu'il a obtenu sa majorité, il est allé en Angleterre rejoindre sa famille et les administrateurs des biens de sa famille. Il a vendu certains produits, il a acheté de l'équipement, il a acheté des produits, et il revient à Montréal. Et le 8 juillet 1786, dans son petit carnet où il note ses achats, il dit « J'achète aujourd'hui 8 boisseaux d'orge pour la bière, commencement on the grand stage of the world, mais début sur la grande scène du monde. » Il est étonnant qu'un jeune garçon de 21 ans se donne ainsi une mission dès le départ. C'est le début. Et qu'est-ce que veut dire ce début pour lui? Réfléchissons un peu. C'est que maintenant, l'orge qu'il achète, ce n'est pas pour le revendre, comme il faisait avec la viande, c'est pour la transformer. Molson n'est pas un marchand, c'est un producteur. Et à ce titre, il est tout à fait atypique, il ne fait pas partie des grands marchands. Lorsque ces grands marchands, en 1817, vont fonder la Banque de Montréal, il ne sera pas invité. Mais lorsque, en 1825, dans la crise de 1825, la Banque de Montréal frôle la faillite, le trésorier de la banque est parti avec les cas de la caisse, il y a la crise dans la banque, on appelle Molson, en quelque sorte, comme sauveur de la banque, et il accède à la banque directement comme président. Bon, disons qu'il a des qualités particulières. qu'on ne reconnaissait pas auparavant parce qu'il avait complètement laissé de côté ce monde des grands marchands. Et il va s'y intégrer, mais comme financier maintenant. Bien sûr, en plus de la brasserie, il a fait la navigation. C'est John Molson qui a lancé la navigation à vapeur sur le Saint-Laurent pour naviguer entre Québec et Montréal. Vous savez que les grands voiliers accédaient difficilement au port de Montréal. Et ce sont les bateaux à vapeur qui vont permettre, lorsque viendront les remorqueurs, et Molson construira éventuellement des remorqueurs, les grands bateaux à voile pourront remonter le fleuve maintenant plus facilement, toués par les remorqueurs. Mais il y a aussi tout ce commerce de cabotage le long du fleuve qui est très important. Les voiliers maintenant faisant escale surtout à Québec, et il fallait transporter des produits jusqu'à Montréal. Je ne parle pas ici des produits du bois qu'on flottait jusqu'à Québec. Mais quand même, il y a tout ce transport très important. Donc Molson, c'est un producteur, c'est un entrepreneur de type industriel. Ce n'est pas du tout l'entrepreneur du grand commerce export-import, c'est un entrepreneur qui transforme les produits. Il faudra attendre bien plus tard, au 19e siècle, pour que les entrepreneurs du type Molson dominent le paysage économique canadien. Avec les années 1820, nous sommes en plein capitalisme commercial, et non plus dans l'Ancien Régime. Cette montée du capitalisme commercial, on la sent, on la voit clairement, dans la transformation de l'État qui accompagne la modernisation de la socio-économie canadienne au début du 19e siècle. En effet, à côté de ces grands réseaux commerciaux qui tissent la trame du marché atlantique et qui relient Londres aux hameaux du Haut-Canada en passant par Montréal, York, St. Catharines, à côté, superposé à ce réseau, il en est un autre, politique celui-là, qui est tout aussi important, parce que là aussi, et d'une façon différente, la modernisation de la société bas-canadienne transparaît. Une relecture de la querelle des subsides, de la querelle autour du contrôle de la liste civile, montre que c'est beaucoup plus qu'une étape dans nos grandes luttes constitutionnelles, comme l'a suggéré l'historiographie traditionnelle. C'est la lutte par des groupes sociaux différents, possédant chacun une partie seulement du pouvoir politique. Lutte pour le contrôle des finances publiques, pour le contrôle de l'État. Chacun de ces groupes, les grands marchands anglophones et leurs alliés d'une part, la petite bourgeoisie canadienne-française et ses alliés d'autre part, contrôlent une portion de l'État. Les Canadiens-Français ont la majorité de la Chambre d'Assemblée, alors que les grands marchands ont le contrôle de l'exécutif. La Chambre d'Assemblée, la législature, a le droit d'imposer des taxes et d'affecter des revenus à des fins de dépenses précises. Cependant, c'est l'exécutif qui est chargé de mettre ses politiques de dépenses publiques en application, d'embaucher les fonctionnaires à cette fin et de contrôler leur travail. Or, chacun de ces groupes a une stratégie économique différente, et la querelle des subsides, c'est le combat pour savoir qui, de la Chambre d'Assemblée ou de l'exécutif, va contrôler le sens des politiques gouvernementales, laquelle des deux stratégies de développement économique opposées va prévaloir. Car il s'agit bien de deux stratégies de développement économique opposées. On a souvent accusé les Canadiens français d'être conservateurs, et leur Chambre d'Assemblée d'avoir été contre les banques, contre les canaux, contre la canalisation du Saint-Laurent, d'avoir rejeté le capitalisme, alors que l'exécutif anglophone était, pour certains, plus éclairé, plus moderne. Or, tel n'est pas le cas. La majorité à la Chambre d'Assemblée et le Parti Patriote, c'est son nom à partir de 1826, ne rejettent pas le capitalisme. Les patriotes veulent seulement, selon la belle expression d'André Garon, un capitalisme à leur mesure. C'est-à-dire, au projet grandiose de canalisation du Saint-Laurent qui servirait surtout le Haut-Canada, ils préfèrent la canalisation du Richelieu, qui sert le Bas-Canada. Aux banques anglo-canadiennes, ils préfèrent la banque du peuple. Au commerce du bois protégé avec l'Angleterre, ils préfèrent le libre commerce avec les États-Unis. Aux importations de la Grande-Bretagne, ils préfèrent la création de manufactures locales. La querelle autour du contrôle de l'État, autour du contrôle du patronage, qui fait rage dès la première décennie du 19e siècle et qui devient brutale dans les années 1820, c'est le combat entre ces deux stratégies de développement économique opposées. Mais c'est un combat qui va paralyser l'État et l'empêcher de jouer son rôle dynamique. Jean-Pierre Wallot, de l'Université de Montréal, retrace les racines de cette lutte pour le contrôle de l'État. Déjà dans les années 1780, et ceux qu'on appelle les démocrates canadiens-français, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient les Canadiens-français qui désiraient une chambre d'assemblée, prévoient déjà que pour obtenir une chambre d'assemblée, pour que ça soit vraiment valable, il faudrait contrôler d'abord être les plus nombreux dans la chambre d'assemblée. Deuxièmement, il faudrait contrôler les subsides et contrôler le patronage, ce qui est essentiellement le programme que poursuit le Parti canadien dans les années 1805, 1810, 12, et que va reprendre le Parti patriote en le modifiant cependant dans les années 20 et 30. Ce que ces gens disent, c'est que si la majorité de la Chambre d'Assemblée devrait former le ministère, comme en Angleterre, et que ces gens-là devraient contrôler les dépenses, donc contrôler le patronage, et à cette époque, à la fois en Angleterre et dans la plupart des pays, le patronage n'est pas une espèce de pieuvre méchante, mais c'est tout simplement la façon de gouverner. On gouverne en aidant ses amis parce que nous, ses amis nous supportent, et c'est ce qui permet à un gouvernement de demeurer. C'est une forme de gouvernement, et ce n'est pas du tout une question honteuse. Et par conséquent, le patronage est un des leviers très importants du pouvoir. C'est le contrôle, si vous voulez, sur l'application des lois. Parce qu'on a beau voter des lois, si l'application de ces lois vous échappe, et cette application a effectivement échappé à la Chambre d'Assemblée, puisqu'elle était aux mains de l'exécutif et du gouverneur, bien, ces lois-là peuvent être complètement déviées de leur but. Et en plus, tous les fonctionnaires sont engagés par le gouverneur et par conséquent n'ont aucune loyauté face à la Chambre d'Assemblée. Vous semblez nous dire, M. Wallot, donc, que la Chambre d'Assemblée, la législature du Bas-Canada, était tout à fait prêt à voter des lois, à dépenser des argents pour le bien de ses commettants, mais qu'elle voulait aussi avoir le contrôle sur l'exécution de ces législations et se donner donc le contrôle de la bureaucratie. Mais est-ce que le contrôle de la bureaucratie, c'est la même chose que le contrôle du patronage à cette époque? C'est identique puisque la bureaucratie, comme je le disais, c'est elle qui dépense les argents, c'est elle qui donne les contrats, qui engage les employés de l'État ou encore les gens qui sont engagés temporairement pour exécuter telle ou telle tâche en particulier. Et un des aspects absolument majeurs de la crise des subsides, qui va durer d'ailleurs jusqu'à la rébellion de 1837-38, c'est que si le gouvernement colonial contrôle ses fonctionnaires, ceux-ci auront une loyauté vis-à-vis la législature locale et non plus, comme auparavant, vis-à-vis le gouverneur qui est le représentant de Londres. On a l'impression, M. Wallot, que les difficultés qu'aura l'économie canadienne, haut et bas canadienne, à se développer au cours du début du 19e siècle, eh bien que ces difficultés tiennent en partie au fait que l'État est un peu divisé contre lui-même, l'exécutif et le législatif étant en tension continue, et qu'en un sens, l'État qui devrait, qui pourrait avoir des politiques qui stimuleraient le développement économique, eh bien que cet État est un peu bloqué. L'État devient de plus en plus bloqué, vous avez parfaitement raison. Je dirais qu'après 1810, là, sauf durant la guerre 1812, c'est patent dans les années 20, dans les années 30. C'est un enlisement total parce que vous avez une telle accumulation de niveaux de conflit qui se combinent que finalement, on ne peut pas bouger ni d'un côté ni de l'autre. Est-ce que l'économie du Haut-Canada va subir les mêmes problèmes que l'économie du Bas-Canada, M. Wallot? Non. D'abord, dans le Haut-Canada, il n'y a pas le même type de conflit. Il y a certainement des conflits politiques et sociaux, mais il n'y a pas de conflit ethnique. Par ailleurs, le fait que l'État du Bas-Canada soit si bloqué et n'investisse pas davantage d'argent, d'énergie et d'imagination dans le développement économique, fait que le Haut-Canada en subit le contre-coup, parce que le Haut-Canada, pour ses exportations, doit passer par le Bas-Canada, ou bien donc par les États-Unis. Or, justement, on interdit de passer par les États-Unis, on veut que ça reste à l'intérieur de l'Empire. Et le Haut-Canada s'endette et s'endette à bâtir des canaux, mais il se bloque finalement au rapide de Coteau-du-Lac. Enfin, une fois rendu dans le Bas-Canada, il faudrait des canaux. Sauf que le Haut-Canada est bloqué, d'une certaine façon, en tout cas sérieusement handicapé. Le Bas-Canada, qui est la colonie principale, est dans l'impasse. Il est évident qu'il faudrait une intervention extérieure, qui sera celle de l'Angleterre, finalement en 1840, qui va permettre aux forces du marché de s'imposer de façon définitive sur l'ensemble, d'abord du Canada central, par l'Union, et éventuellement, cela va conduire à la Confédération, qui sera en quelque sorte l'achèvement de la construction économique telle que pensée par les marchands, l'aristocratie économique des deux Canadas vers le milieu du 19e siècle. En attendant que le gouvernement impérial n'intervienne, l'équilibre conflictuel perdure, et avec lui, la paralysie de l'État et du gouvernement local, et ce, au moment où les défis se font plus durs et où il faudrait des actions décisives. Il faudra que la situation s'envenime davantage et que le déclin économique se fasse plus profond, qu'il engendre même des mouvements d'insurrection pour que l'Angleterre intervienne. Dans la prochaine émission, nous suivrons la socio-économie canadienne dans ses difficultés des années 1830. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith. Conseiller musical, Martin Pagé. À la technique, Alain Boursier. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecque.